Alors vous écoutez Future Sim sur les ondes de CKRL au 89.1 et nous enchaînerons avec un sujet plus appétissant que le précédent. Les petits fruits tels que les fraises, les framboises, les canneberges et bleuets, alors c'est non seulement bourré d'antioxydants, mais c'est également délicieux. Notre climat nordique québécois est propice pour la croissance des baies, mais la plupart nous sont inconnus. Pourtant, il existe plusieurs petits fruits savoureux, en fait originaux, qui peuvent être cueillis lors d'une balade en forêt tout en s'assurant d'avoir un bon guide d'identification. Alors, Christiane Dupont va nous en faire découvrir quelques-uns. Bonjour, Christiane. Bonjour, François. Alors, Christiane, quand on va à l'épicerie, les petits fruits disponibles sont les bleuets, les fraises, les framboises et parfois les mûres. En fait, est-ce qu'il est possible de s'en procurer d'autres espèces de petits fruits? Bien, oui. Il y a bien sûr les petits fruits qu'on connaît à l'épicerie, mais il y a d'autres petits fruits qui poussent au Québec, qu'on peut cueillir, qui sont pas vraiment commercialisés parce qu'il n'y a pas de grande culture. Ou c'est plus de la cueillette sauvage, donc c'est vraiment okay. À petite échelle. Donc souvent, déjà à la base, ça ne marche pas avec le réseau de distribution des grandes épiceries parce qu'il faut produire à grande échelle, donc déjà ça ne fonctionne pas. Ouais. Mais en faisant affaire avec des petits producteurs locaux, on peut découvrir plein de choses. Les paniers bio, c'est un bon moyen. Il y a le marché de solidarité de Québec, pour ceux qui ne connaissent pas. On peut taper ça sur Internet et c'est comme un marché bio. Où on commande par Internet les quantités qu'on veut. Alors, au lieu d'un panier bio avec des quantités définies, là, on commande. C'est très pratique. Okay. Le marché du Vieux-Port, les marchés publics estivaux peuvent vendre différents types de fruits qu'on ne connaît pas. On va parler du sureau, de la mélanchier, de la pimbina. C'est des choses qu'on n'entend pas beaucoup parler, mais qui sont parfois disponibles en gelée, confiture, alcool. Il y a moyen de s'approvisionner. De découvrir d'autres saveurs, finalement. OK. Et puis, bien évidemment, la cueillette sauvage aussi, c'est un bon moyen de découvrir des nouvelles choses l'été, évidemment, pas à ce temps-ci de l'année. On peut faire nos propres conserves, confitures, tartes. Donc, c'est une activité qui est connue au Québec, mais qui pourrait être plus développée. Oui. Alors, quels sont ces autres petits fruits, en fait, qu'on pourrait cueillir au Québec? Il y en a plusieurs. C'est pas une liste exhaustive que je fais ici. Donc, je vais faire le portrait de quelques-unes, comme la pimbina. Oui. Pimbina, tu connais, François? Ma mère appelait ça du pimbina. Ça se peut que ce pimbina, là, je le prononce peut-être pas de la bonne manière. Donc, c'est une petite baie rouge qui est très résistante au froid. Il va demeurer sur les branches jusqu'en hiver. Et on l'accueille très tardivement, justement, parce qu'après que ça a gelé, c'est moins acide. OK. C'est des fruits un peu pendus comme dans une grappe qui sont d'un rouge très vif. Okay. Et puis, on attend les premières gelées pour avoir un fruit qui est plus juteux. Puis, on utilise ça pour faire des vins, des liqueurs, des gelées, sirops. Moi, j'ai une petite gelée de ce petit fruit-là à la maison. On peut mettre ça sur des pâtés, du fromage. Ça peut faire différent un peu. Je connais ça sous forme de gelée, moi. Oui, c'est ça. Ça ne doit pas nécessairement vendre frais. Ça doit être assez rare, là. Mais la saveur ressemble un peu à la canneberge. Et puis, c'est intéressant parce que quand on fait cuire ce fruit-là, ça pue. Vraiment. Ça, je m'en souviens aussi. Ça pue. Ça sent vraiment bizarre, mais ça ne goûte pas ce que ça sent. Oui. Donc, c'est pas si pire. Et puis, comme la plupart des baies, il y a beaucoup de propriétés très intéressantes, beaucoup d'antioxydants, beaucoup de vitamine C la plupart du temps. Okay. Et qui dit antioxydant dit souvent anti-inflammatoire, des propriétés intéressantes pour la santé. OK. Il y a aussi le sureau blanc, qui n'est pas très connu, mais pourtant, ça fait longtemps que chez les paysagistes, c'est utilisé, les gastronomes et les guérisseurs, les herboristes. Ça a des propriétés médicinales pour la grippe antivirale, la gorge, depuis longtemps, le sureau. Il y a des grosses ombelles presque noires de fruits. La plupart des gens ont probablement déjà vu du sureau sans le savoir, parce que ça peut être aussi décoratif là, dans l'horticulture. Et ça fait des petites fleurs blanches qui deviennent des beaux fruits très foncés. Donc, on peut faire encore plein de choses, pâtisserie, liqueur, alouette avec ça. Et puis, c'est utilisé aussi comme un sirop contre la toux dans les boutiques d'aliments naturels. On peut trouver, je pense qu'il y a même une marque québécoise qui s'appelle Suro. Ils ont commercialisé ça. Et puis, c'est un antiviral naturel parce qu'elle a beaucoup d'antioxydants et d'anthocyane, qui est un antioxydant particulier qui, je crois, donne la couleur foncée. Oui, les couleurs rouges, exactement. Donc, c'est aussi un autre fruit à découvrir. Ouais. Il y a la mélanchier. Ouais. Ça, c'est intéressant. C'est un petit fruit noir ou rouge, selon les variétés, qui sont très consommés par les Autochtones qui l'étaient, en fait, peut-être un peu moins aujourd'hui. Et puis, c'est comestible cru, sauf que c'est meilleur une fois cuit. On les connaît aussi sous le nom de poire sauvage, et c'est pas la forme d'une poire. C'est très petit, mais ça a peut-être un peu une forme qui rappelle celle d'une poire. Et puis, fait intéressant, à Mélenchie, en langage cri, c'est Saskatoon. Ah bon? Donc, okay. la ville de Saskatoon, en Saskatchewan, ça veut dire à Mélenchie. OK. En fait. Mais le nom de l'arbre qui porte ce fruit, c'est pas la Mélenchie? C'est la Mélenchie, les fruits, ce sont les amélanches. OK, d'accord. Je vais pas faire de confusion, mais bref, ça, c'est ça, les amélanches viennent de la Mélenchie, pardon. Donc, Saskatoon, la ville. Et d'ailleurs, en Saskatchewan, et oui. la mélange, et il y a des cultures, je crois, il y a un petit marché qui est plus présent là-bas qu'ici. Je sais pas si c'est historique ou quoi que ce soit, là, mais je sais qu'il y a un petit marché. OK. Est-ce que c'est plus abondant là-bas qu'ici? Peut-être que aussi le climat est peut-être plus favorable d'une certaine manière dans les prairies. Je peux pas élaborer. Là. On entend des fois parler de la chicoutée. En fait, où est-ce qu'on peut trouver ça? Bien, la chicoutée, peut-être que ceux qui sont là à la SAC et regardaient du côté des alcools québécois, il y a un alcool qui s'appelle chicoutée. Disponible à la SAC, qui est un alcool de ce petit fruit-là. Okay. C'est typique des tourbières du nord du Québec ou peut-être sur la côte nord en région subarctique. Donc, à la région de Québec, on ne peut pas vraiment trouver ça. Il fait trop chaud, trop beau. Okay. Donc, c'est un petit fruit qui pousse vraiment à ras le sol, qui ressemble un peu à une framboise, je dirais, de la forme, mais qui, au contraire d'un fruit qui habituellement devient plus foncé en mûrissant, la chicoutée pâlit en mûrissant. Donc, c'est clair, sa coloration. Oui, c'est intéressant. Et puis, c'est excellent. C'est vraiment un bon fruit qui goûte un peu l'abricot, une belle couleur orangée pâle. Donc, c'est ça. Contrairement à la framboise, qui est une framboise pas mûre et blanchâtre, et puis elle est mûre, elle est très rouge, la chicoutée est d'abord rouge vif. Il va devenir orangé, puis jaune pâle, et c'est là qu'elle est bonne. Okay. Et puis, c'est excellent, c'est équivalent à la framboise, mais un autre goût, là, mais il n'y a pas vraiment de... Il y a d'autres petits fruits que manger cru, c'est pas pire, mais c'est mieux cuit, mais la chicoutée, ça mange très bien cru. D'accord. C'est très, très bon. Il y a aussi les cerises. Hein? Oui, il y a des sortes de cerises. C'est moins connu, c'est pas des belles cerises. Comme les cerises françaises. Oui, les belles cerises rouges, là, on n'a pas ça. Mais il y a le merisier. Qui est Prunus pensilii. Il y a un merisier qui fait des merises, qu'on appelle, qui sont un peu comme des cerises. Les fruits sont rouges également. Il y a un cerisier tardif, qui est une autre espèce, qui peut faire aussi des fruits presque noirs, qui sont charnus, abondants. Mais certains vont dire que des fois, c'est un peu pâteux. C'est peut-être pas l'équivalent. Il ne faut pas s'attendre à croquer dans une cerise de Californie. C'est pas le même genre. Mais... Encore là, les Amérindiens en faisaient des grandes utilisations. C'était très utilisé pour faire le pemmican. Pemmican qui est pas un plat, mais en fait un aliment très substantif, qui sustente les gens. Oui. Le pemmican, c'est un mélange de gras et de gras animal, de viande séchée, puis de petits fruits. Donc, c'était une vive de course, en fait. Ils se promenaient avec ça. Et puis, ils utilisaient beaucoup les cerises également. Quand j'étais jeune et que je me promenais avec mes parents, on me disait de jamais vraiment manger les fruits que je voyais. Parce que je pense qu'il faut faire attention, il y en a qui sont toxiques aussi. Oui, puis rien ne ressemble plus à une petite baie rouge qu'une autre baie rouge ou une autre baie noire. Donc, il y en a plein, mais il faut vraiment savoir les identifier positivement, un peu comme les champignons. Il y en a moins qui sont excessivement mortels, là, peut-être, mais il faut vraiment bien être certain. Là, parce que faut bien... Par exemple, je vais donner quelques exemples. Par exemple, la morelle douce amère. C'est un petit fruit rouge, un peu inoffensif comme ça. Puis des fois, les oiseaux peuvent être capables d'en manger, ils ne sont pas incommodés. Ça ne veut pas dire que nous, on ne le sera pas. Il faut faire attention. Et puis, ces petits fruits rouges qui sont très diurétiques, très laxatifs et puis peuvent être fatales si on en ingère trop. L'if du Canada, qui est assez connu. Des fois, en ornemental aussi, horticulture ornementale. Oui, l'if du Canada, ce n'est pas l'arbre dont on tire le taxon, c'est ça? Oui, c'est ça. On aurait tendance à penser que c'est... Bien, c'est un conifère avec un petit fruit rouge très vif. Okay. Et puis, il y a un poison qui s'appelle la taxine, qui est mortel très, très rapidement. Mais il y a des propriétés anti-cancer aussi. Donc, en manger comme ça, c'est vraiment pas bon. Mais je sais qu'il y a des études qui se font sur les composés de l'olive du Canada. Il y a le mini-sperme du Canada, qui ressemble à des raisins sur des vignes. C'est grimpant, ça a l'air des vignes, mais il y a une toxine paralysante. Donc, c'est faire. Et puis, il y a aussi, par exemple, lactée à fruits rouges ou lactée à fruits noirs qu'on retrouve au Québec qui peut être toxique. Donc, ça, c'est des exemples, mais Il y a des bons guides là, qui permettent d'identifier. Donc, quand on ne connaît pas ça, j'imagine qu'on se munit d'un bon guide et ça fait l'affaire? Bien, oui. C'est sûr qu'avoir un peu d'expérience ou aller cueillir avec quelqu'un qui l'a déjà fait, c'est le meilleur professeur. Il y a les guides d'identification Fleurbec. C'est bien d'avoir un guide québécois parce que, bon, un guide d'ailleurs, des fois, il y a un fruit qui ressemble, on est confus en France ou ailleurs. Il n'y a pas nécessairement les mêmes fruits, les petits fruits aussi. Non, pas les mêmes. Bon. Donc, le Fleurbec, c'est un regroupement. Ils font des guides très intéressants. C'est des guides d'identification, des livres d'utilisation et de recettes pour les petits fruits, comment faire ces alcools aussi. Donc, c'est vraiment des guides intéressants de quoi pouvoir épater la galerie au prochain souper, je pense, avec des saveurs très variées. Ça peut être très intéressant. Puis aussi, petite parenthèse, sur le web, il y a une série qui a été faite par Télé-Québec qui s'appelle « Coureurs des bois ». Ah. Une série qui est disponible sur le web, à visionner, qui a été télédiffusée, je crois, dans les années 2010. Et puis, c'est très intéressant, je le recommande, c'est « Question des plantes comestibles sauvages au Québec okay. ». Et puis, il parle de chaque épisode, c'est fait avec c'est Fred Pellerin qui fait la narration. Ah oui, OK. C'est très bien réalisé. On voit les champignons, les herbes, les algues et les petits fruits qu'on peut manger au Québec. Il y a des recettes. Donc, si ça intéresse les gens, c'est vraiment une belle série à aller voir. Parce qu'il y a plus de 400 espèces indigènes comestibles au Québec. Et on est loin de toutes les connaître. On est loin de toutes les connaître, on est loin de toutes les manger. Donc, ça peut, c'est très intéressant. Alors, de quoi ajouter de la diversité à nos menus? Oui. Merci, Christiane. Merci. On va passer maintenant en pause publicitaire sur CKRL au 89,1.